بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في الدرس الماضي كملنا ما يتعلق بالشبهات التي يراد أهل التأويل أن يلزم أهل السنة بها، يعني بحسب فهمهم القاصر. وأصل الشبهات الحمد لله سنصل مع تجنب أن نتأخر فيها، الحمد لله. والآن سنكمل في هذين الدرسين إن شاء الله بالخاتمة لكونكلوجيون كل شيء دان على فان دو ليفر. قال رحمه الله تعالى: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من التأويل، فكيف يكون مذهب باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ Donc il y a une personne dit qu'on a connu la fausseté du madhhab des gens du ta'wil dans les sifat. Il est connu que les Asha'ira font partie de ces gens-là. Donc comment leur madhhab peut-il être aussi faux alors qu'ils représentent 95% des muslimines ? وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. Donc comment peut-il leur madhhab peut-il être faux alors que leur meneur en cela c'est Abu al-Hassan al-Ash'ari. C'est quoi son nom, Abu al-Hassan al-Ash'ari? Ismail ou Ali ibn Ismail? Ali ibn Ismail. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإمة المسلمين وعامتهم. Donc comment peut-il être faux alors que parmi eux il y a des ulama qui sont connus pour la nasiha, pour Allah, pour son livre, pour son messager et pour les gouverneurs ainsi que pour les gens de la masse. Donc tu vois là, c'est des questions. Si tu comprends bien ce vers-là, c'est un vers dans le manhaj. C'est les choses qu'on retrouve aujourd'hui. Quand des gens te disent, ouais, pourquoi ça, alors qu'un tel et un tel et un tel, ils sont parmi eux, ils disent telle et telle chose aussi. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين. فإن الدعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في أكثر لا في الأكثر. أوكي دي مانو pour répondre à la première question. Non, nous on n'accepte pas forcément de prétendre que les Ash'ari sont de ce nombre 95% des musulmans. Ça c'est une da'wa, une prétention qui a besoin de quoi? D'une preuve solide et précise de rapporter un tel rapport, de dire ils sont 30%. Comment tu le sais? C'est-à-dire t'as dû faire un pourcentage de tous les musulmans dans le monde, ça c'est pas faisable. Et il est dit également, même si on nous accordions qu'il soit de ce nombre, admettons cela, qu'il soit ce nombre-là ou même akthar, cela n'inclut pas non plus leur affabilité, de toute façon. Car l'affabilité, elle est où? Dans l'ijma. Dans le fait que l'unanimité, dans le consensus, que tous les musulmans soient d'accord. Même s'il y a un grand nombre qui dit une chose, et que peu disent autre chose, c'est pas forcément un grand nombre qui a raison. Comme là, le stipule de Shir. Tu vois, ça c'est un def qui est important. Tu ne fais pas avoir par le grand nombre. Ça ne veut rien dire. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الأدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها لا يقبل الله تعالى من غير تحديث ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Il dit en plus l'ijma qui est considéré vraiment à la base s'oppose aux gens ce sur quoi sont les gens du ta'wil. C'est-à-dire l'ijma de qui? Des sahaba, des salafs, des tabi'in, de ceux d'après eux. Ils étaient tous unanimes sur le fait d'affirmer les sifat même comme Allah les a affirmés pour lui-même ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam et de prendre le texte selon leur apparent sans tahrif ni ta'til ni takif ni tamthil wa hum khayrul qurun bi nass ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'uhum hujjatun mulzimah li'annahu muqtada al-kitab wa sunnah wa qad sabaqa naql al-ijma' anhum fi al-qa'idah al-rabi'ah min qawa'id nusus as-sifat. Ils sont les meilleurs des siècles, c'est-à-dire les trois premiers, et cela comme l'a dit lui-même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le ijma, c'est un argument auquel on doit te contraindre. Tu es contraint à suivre ce qu'ont dit ces gens-là. Car cela est basé sur le kitab et la sunna. Et cela était stipulé dans la quatrième règle par rapport au sifat. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوا منزلتهم وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Donc pour répondre à la deuxième question par rapport à Abu al-Hassan, yani Ali ibn Ismail al-Ash'ari, qui faisait partie des imams, des musulmans et autres que lui, ces gens-là ne se sont pas attribués même infaillibilité de toute façon. Mais ils n'ont atteint le stade de imam, le statut de imam, que du fait qu'ils ont connu leur vraie valeur et qu'ils se sont mis à leur vrai niveau. Et que dans leur cœur, il y avait justement un ta'zim pour le kitab et la sunna. Donc pour cela, ils ont mérité d'être des imams. Et Allah, dans le sens où il dit, ils nous ont fait d'eux des imams par lesquels sont guidés les gens, qui guident par notre ordre plutôt, lorsqu'ils ont patienté et qu'ils étaient pris de certitude par rapport à nos versets. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. Qu'Ibrahim était une umma lui tout seul, sur l'obéissance d'Allah Azzawajal, Hanif, et n'était pas du nombre des associateurs. Shakiran yan'umih, ishtabahu wa hadahu ila sirat al-mustaqim. Qu'il était reconnaissant des bienfaits d'Allah Azzawajal, donc il a été guidé sur le chemin droit. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. Et maintenant, parmi les contemporains, ceux d'après, qui s'apparentent à lui, qui se disent Ash'ariya, n'ont pas suivi justement cet homme-là comme il convient. D'accord ? Du fait que Abu al-Hassan a eu trois étapes dans l'aqida dans sa vie. Al-Ula, marhat مرحلة الاعتزال اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يكرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. Donc en premier lieu, il était معتزل. C'est un معتزل. Ensuite, il a délaissé leur مذهب et il a fait un رد sur eux. الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله ابن سعيد بن كلاب. Après deuxième étape, qu'il a été entre l'irtizel et la sunna. Entre l'irtizel pur et la sunna pure. Et là, il a suivi quoi? La mazhab de Abu Muhammad, Abdullah ibn Kilab. C'est un Kulabi. Kulabi, on a parlé d'eux également. Cheikh Islam parle de lui dans Majmou al-Fatawa. Et il dit, sur l'Ash'ali et autres que... وَالْأَشْعَلِي وَمْثَالُهُ بزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنها صحيحة وهي فاسدة. Donc l'Ash'ari et autres, parmi ceux qui ont justement, on va dire, vogué entre les salaf et les jahmiya, ils ont pris des paroles authentiques de ceux-ci et des fondements basés sur la raison qu'ils ont pensé authentiques des autres alors qu'ils étaient faux. Donc ils ont mélangé entre le vrai et le faux. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها. Troisième étape, c'est qu'il a pris la voie des salaf, des gens de la sunna, en suivant cela l'imam Ahmed, comme il l'a dit dans son livre Al-Ibana, qui était son dernier livre, dans lequel il clarifie qu'il est revenu sur ce mazhab-là. قال في مقدمته جاءنا عيني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جمع في علم الأولين وأكمل في الفرائض والدين. Dans son مقدمة, il dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم est venu avec un livre, voyez, ne contenant aucune fausseté. Aucune fausseté qui guide le chemin droit. وهو الصراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل غوى في الجهل وتردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc après, il dit justement ce livre-là, c'est la voie d'Allah Azza wa Jal, sa religion droite. Et celui qui s'y accroche réussira. Et celui qui s'en écarte va s'égarer. Et va tomber dans le djahl. En citant le verset dans le sens où Allah dit, ce que vous a apporté le messager, prenez-le. Et ce qui vous a interdit, délaissez-le. Il en قال, فَأَمَرَهُمْ بِتَعَاتِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَمَا أَمَرَهُمْ بِتَعَاتِهِ ودعاهم الى التمسك بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم كما امرهم بالعمل بكتابه. Donc il a dit que Allah a ordonné à son obéissance à lui comme à celle de son messager صلى الله عليه وسلم et de s'accrocher à la sunna. فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وعدلوا عن الاسلف لهم قلدوا بدينهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وابطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وانكروها وجهدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Et qu'après il y a des gens qui se sont égarés justement sur qui Shaitan a pris le contrôle et qui ont délaissé les sunnas du prophète صلى الله عليه وسلم et qui sont écartés de sa voie pour imiter leurs ancêtres, de ceux qui leur étaient antérieurs, comme les voies des sectes, comme la voie des gens des sectes. Donc ils ont refusé le haq, et pour cela ils ont dû mentir sur Allah Azza wa Jal. Thumma zakara rahimahullah ta'ala usulan min usul al-mubtadi'a. Tout ça c'est dans la muqaddima de l'Ibana. Wa ashara li butlaniha thumma qala fa in qala qa'ilun قد أنكرتم كل المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجية فعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. Après qu'il cite après différentes usul des gens de la bid'a dans son livre, en le réfutant, il dit que si une personne disait: vous avez blâmé la parole des Mu'tazila, des Jahmiya, des Haruriya, c'est des Khawarij, des Rafida, des Murji'a. Aïwa, c'est Gharrafouna, Afouan, Yenshadda. Gharrafouna, Kaulakum, Lazibihi, Takouloun. Alors maintenant, dites-nous sur quoi vous êtes. Après que vous ayez démontré le faux de ces gens-là, démontrez-nous sur quoi vous êtes, vous, c'est-à-dire les gens de la Sunna. قيل له كل قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. Donc il dit nous, notre din c'est le tamassouk au kitab de notre seigneur, la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم, de ce qui était rapporté des sahaba et des imams parmi les tabi'in également. ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته أجزل مثبوته قائلون لمن خالف قول مجانبون لأنه الإمام الفاضل رئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهره الله على يدي من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. Donc après cela, il a dit que nous suivons le kitab wa sunnah, bien évidemment. Et cela, comme nous l'a éclairci l'imam Ahmed. On va dire qu'il est revenu au mazhab de l'imam Ahmed après la fusionnage. D'accord ? En confirmant le haq que l'imam Ahmed a démontré. Yani que le haq qu'il a découvert par le biais de l'imam Ahmed, dans les sifat, et dans les choses du Qadar, et dans la Shafa'a, et certaines choses qui sont liées aux choses de l'au-delà. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا المرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر. Donc maintenant, les Asha'ira, actuellement qu'on connaît, eux, ils ont suivi cet homme-là dans sa deuxième étape, dans sa vie. Lorsqu'il était entre les Mu'tazila et entre les gens de la Sunna. Et donc ils sont venus à Sha'ila, ce sont ceux qui justement qui ont fait un tartil des sifat en les interprétant de façon erronée. Ils n'en ont fermé que 7. Mais ceux-là, parce qu'ils sont basés sur, ils sont basés sur quoi ? Sur l'aql, qui sont la vie, la science, la kudra, la parole, la volonté, l'ouïe et la vue. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية نص مجمع الفتاوى طيب après en citant la divergence qui est entre eux et les gens de la Sunna il dit يعني la différence qui est entre les gens de la Sunna et eux dans la façon d'affirmer ces sifat. قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية أما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره لم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة وكلا دي quand on parle des Asha'ira on veut dire ceux qui renient les صفات الخبرية c'est-à-dire les صفات qu'Allah nous a informés à ce sujet. Quant à Abu al-Hassan al-Ash'ari, lui, son livre Al-Ibana, démontre justement qu'il n'est plus sur ce mazhab-là. Et démontre qu'il est en conformité avec le mazhab des gens de la Sunna. Donc on le considère parmi les gens de la Sunna. Wa qala qabla dhalika, amma al-Ash'ariya fa'aks ha'ulay wa qawluhum yastalzimu at-ta'til. Wa annahu la dakhil al-alim wa la kharij, wa la kharijah. وكلامه معنى واحد ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم الفساد بالضرورة. Donc après il parle des Asha'ira tels qu'ils sont connus actuellement que leurs paroles incluent un ta'til. Car ils disent que Allah est ni dans le monde ni à l'extérieur du monde de la création et que toute sa parole n'est qu'une seule parole. C'est-à-dire que pour eux les versets du Kursi et qui touche aux dettes et, qui et les paroles dans la Torah et dans l'Injil, c'est la même parole. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire les règles sont les mêmes, tout est pareil. C'est une seule même parole. Et ça, c'est une chose, bien évidemment, qui est connue, qui est fausse. Des choses dans la Torah ont été abrogées. Mathalan, en réalité, dans les cas. Des rites étaient différents dans certains points. Il dit quoi dans Ibn al-Qayyim Il dit quoi dans Nouniya Ibn al-Qayyim وَعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الْطَرِيقَ الْمُسْتَقِيمِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ. On sache que leur voix, c'est-à-dire des Asha'ira, est le contraire de la voix droite pour toute personne qui aurait deux yeux. Il est un col. فَعْجَبْ لِعُمِيَانِ الْبَصَائِرُ أَبْصَرُ كَانُ الْمُقَلِّدُ صَحِبُ الْبُرْهَانِ وَرَوَاهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مَنْ سَوَاهُ بِغَيْرِ مَا بَصَرْ وَلَا بُرْهَانِ وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرماني. Donc en fait dans ces bêtes là il critique les Asha'ira qui font que du taqlid et qui ont délaissé les textes, d'accord, ils ont fait que du taqlid, ils ont délaissé les textes et que leurs paroles sont surprenantes et qu'ils ont été privés de la guider. وقال محمد بن أمين الشنقيطي في تفسيره أدوى البيان دو أدوى البيان دو الشنقيطي كيسكي دي سوما بروبو دو سولا وعلى تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه الذي في سورة الأعراف بروبو دو الاستواء قال اعلم أنه غلط في هذا خرق لا يحصى كثرة المتأخرين فزعموا أن مظاهر المتدابر السابق للفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآية القرآنية ومشابهة صفات الحوادث وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. Donc il dit qu'un grand nombre de personnes justement ont prétendu que l'apparent des textes inclut un tajbih avec la création, donc nous sommes obligés de sortir de son apparent et cela avec Ijma. Ils prétendent qu'il faut, c'est unanime de faire cela. قال ولا يخفى لأدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول بأن الله وصف نفسه في كتابه بما ظهره المتدابر المتبادر منه السابق للفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له وانزلنا اليك ذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. Donc là en fait, il les critique en disant que ces gens-là, pour eux, voient que l'apparent, selon l'apparent des textes, cela est du kufr. Ce qui nous apparaît des textes, en surface, comme ça, c'est du kufr. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien clarifié la chose, et l'a bien dit, donc cela n'est pas possible. وَلَمْ يُبَيِّنْ حَرْفًا وَاحِدًا مِنْ ذَلِكَ مَعْ إِجْمَاعٍ من يعتد به العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة وأجرى في عقائد لسيما مظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. Donc c'est pareil, il dit que justement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il n'avait pas fait son travail, qu'il n'avait pas cassé des choses, alors qu'il n'est pas permis de retarder le Bayen du temps du besoin, et que donc ils disent que l'apparence est du kufr, des textes. Donc c'était du kufr, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas clarifié, et qu'il est resté là-dessus lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas du kufr. Abadan. Wa kullu hadha min tilqa anfusihim min ghayri i'timad ala kitab wa aw sunnah. سبحانك هذا بوطن عظيم لا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال من أعظم الافتراء على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصفه الله به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان وتنزيح التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. Donc il dit qu'il faut aucun doute que toute personne qui a un aql et qui voit justement ce texte-là, lui-même, c'est très bien que cela n'inclut pas une ressemblance avec sa création. وقال وأهل ينكر عاقلون أن السابق لفهم المتبادر لكل عاقل هو منافة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته والله لا ينكر ذلك إلى مكابر. Là, tout ce qu'il dit de chercher le critique, c'est ce qu'on a dit auparavant. D'accord. Que ces gens-là, en fait, comme il va le dire par la suite, à la base, toute personne qui connaît les textes ne s'imagine pas que le sifat d'Allah ressemble à celle de sa création. والجاهل والمفتري الذي زعم أن ظاهر الآية الصفات لا يليق بالله لأنه كفر متشبع إنما حر وجر إليه ذلك تنجيس قلبه بكذب التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى النفي صفات الله عز وجل وعدم الإيمان بما وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا والذي وصف به ووصف بها نفسه. Donc le menteur, celui qui prétend que l'apparence des textes amène justement qui disent que l'apparence des textes ne convient pas à Allah Azza wa Jal, que cela est tashbih. C'est une personne qui était atteinte par le tashbih elle-même. C'est-à-dire qu'elle a, en fait, cette personne-là, c'est elle qui a tashbih dans son cœur. فكان هذا الجاهل مشبها اولا ومعطلا ثانيا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي معذبا لله كما ينبغي ظاهرا من اكذار التشبيه لكن المتبادر عن متبادر عنده السابق لفهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أهوام على إق مشابهة بينه المتشابهة بينه وبين الصفات المخلوقين. Donc là il revient à dire que justement cette personne-là elle-même en premier lieu fait un ta'til, un tashbih, et ce tashbih lui a fait peur, donc il termine par passer dans le ta'til. فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة مع تنزيح التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc celui qui a un cœur pur, une bonne compréhension, lui son cœur est prêt à accepter ces textes-là selon leur apparent, en prenant le Coran et la Sunna authentique, pas même tout en refusant et rejetant toute forme de tashbih. قال والأشعري أبو الحسن رحمه الله تعالى كان في آخر عمره انتهى الكلام ده شنقيتي كان في آخر عمره على مذهب السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بغير من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Donc Abu al-Hassan à la fin de sa vie était sur le mazhab des gens de la sunna. Mais il avait encore, comme le disent certains ulama, il avait encore des séquelles de son mazhab passé. Il y a encore des choses qu'il disait, qu'il s'est décelé, qu'il avait encore des traces de son mazhab antécédent. Wa mazhab al-insan ma qalahu akhiran idha sarraha bi hasr qawlihi fi ma kana hiya al-hal fi Abi al-Hassan kama ya'lamu كما يعلم من كلامه في الإبانة. Donc le mazhab de la personne, c'est celui sur lequel il est en dernier. On attribue une personne, c'est sur quoi il était en dernier. Comme lui l'a fait dans l'Ibana, il a dit sur quoi il était, donc l'attribue à cela. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. Donc maintenant celui qui prétend vraiment suivre Abu al-Hassan doit suivre sur quoi il était en dernier. C'est-à-dire le mazhab de la journée de la Sunna. Donc le fait de se dire Ash'ali aujourd'hui, c'est batil, car l'imam Ash'ali, Abu al-Hassan n'était plus là-dessus. Donc en disant cela, vous n'attribuez pas à lui. Donc il répond à la troisième question. Du fait qu'il y a des ulama qui sont sur ce mazhab-là. Il dit premièrement, أن الحق لا يزن بالرجال وإنما يزن الرجال بالحق وهو الميزان الصحيح وإن كان المقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق لكن ليس هذا والميزان في كل حال. Donc maintenant il dit c'est quoi maintenant le حق on le connaît par يعني pas par les hommes. Mais ce sont les hommes qui sont eux connus par la vérité, bien évidemment. Voici la pesée qui est authentique. Et cela n'a pas de lien avec le fait qu'on accepte le khabar de celui qui est adl pour nous et qu'on rejette celui du fasiq. Ça, c'est autre chose. Mais il dit, un homme, on le connaît par la vérité, on ne connaît pas la vérité. La vérité se connaît pas par les hommes, mais les hommes se font connaître eux par la vérité. Fa'in al-insan بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته وقد يكون رجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم وضعيف الفهم فيفوته من الثواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. Donc la personne c'est l'être humain toujours qui n'est pas infaillible et que des choses peuvent lui échapper en fonction de quoi? De son peu de compréhension, de sa faiblesse et autres. ويكون قد نشأ على طريق معين ومذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. Il se peut que cette personne-là évolue sur un mazhab particulier, il ne connaisse pas les autres, et qu'il pense que la vérité est limitée à ce qu'il a connu lui. Comme ce fut le cas, me semble, de l'imam Nawawi et de l'Ibn Hajar. Ils ont évolué sur ce mazhab-là, de Asha'ira. Le faux, bien évidemment. Donc ils ont plus que tout le monde est comme ça, et cela. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة برجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. Donc la dimension qu'on parle des gens de la Sunna réellement par rapport à ceux de l'Ash'ari, on voit qu'ils sont plus grands, plus splendides et plus forts qu'eux à la base. مثلا il dit que les quatre imams des mazahib n'étaient pas sur la voie des Asha'ira. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. Même les tabi'in n'étaient pas sur la voie. وإذا علوت إلى عصر الصحابة وخلفاء أربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله وأسماء الله تعالى وصفاته غيرهما وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. Également chez les Sahaba, tu ne retrouvais personne sur la voie des Asha'ira. Donc les Asha'ira ne sont pas sur la voie des Salaf. Nous ne nous dirons pas que لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. Il dit maintenant, nous ne renions pas non plus le fait que parmi les Ash'ari, on avait des savants qui étaient des gens qu'on avoue, qui étaient sincères, qu'on servait l'islam et qui ont contribué à porter de la guidée pour les gens. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient infaillibles. Et que malgré tout le bien qu'ils ont fait, on ne rejette pas l'erreur qu'ils ont faite. Et qu'on ne la bayonne pas non plus aux gens pour ne pas la suivre. ولا ننكر أيضا أن لبعض قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول قول حسن قصد قائله، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كينا من كان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et maintenant, on ne blâme pas, on ne rejette pas non plus le fait que certains avaient peut-être une bonne intention. Mais cette bonne intention n'est pas une excuse pour excuser tout ce qu'il peut dire. D'accord ? Qui qu'il soit. Celui qui se trompe, il se trompe. Et sa parole est rejetée. Vous voyez ? Soit sa parole est conforme à la vérité, soit elle est rejetée. Qui qu'il soit. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. Maintenant, si on sait que la personne était connue pour une bonne nasiha, une personne véridique, qui recherchait la vérité, réellement, à chaque fois, on lui trouve des excuses dans cette erreur qu'il a commise. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre, qu'on a senti de lui le hawa hein, et une mauvaise attention, alors lui, on se comporte avec lui comme il le mérite. Naam. Sanakifuna al-yom. Wa ghadan inshallah nukmil. Donc là, il donne un ders, mais ça, c'est un ders fil manhaj. Kulu hada. C'est pas les hommes qu'il faut suivre, mais la vérité, que qu'il soit la vérité, la rejeter. Après, on différencie entre celui qui se trompe avec une bonne intention, qui n'a pas connu la vérité, et celui qui est autre que cela. Naam. Fa ila huna, walhamdulillahi rabbil alamin.